Chapitre 56e. Les belles âmes. Le docteur ajouta : Je dois maintenant vous prévenir, mes chers amis, que sa maladie est extrêmement contagieuse, que vous courez grand danger en approchant Madame Garitsa. Je vais même prier Miss Eden de ne plus entrer dans sa chambre. Vivement, Miss Eden s'écria : Assez, docteur. Vous me demandez là une chose impossible. Cependant, vous risquez la mort. C'est mon devoir maintenant. Jusqu'à un certain point. Cette femme qui apporte chez vous les germes terribles de ce mal implacable ne vous est rien. Ce n'est en somme ni votre parente, ni même votre amie. Permettez-moi de vous arrêter, docteur. Cette femme est malade. Elle devient pour moi, de ce fait, l'amie la plus chère, la parente la plus aimée. Elle aura tous mes soins jusqu'à sa dernière minute. Le docteur Montreuil se tourna vers Paulin Broquet. Vous, mon cher ami, je fais appel à votre amour pour votre femme. Dissuadez-la, faites-la s'éloigner. Mon mari, interrompit encore Miss Eden, ne peut dire à sa femme de commettre une lâcheté. Non, d'ailleurs, cher ami, je serai près de vous. Ils sont enragés tous les deux, fit le docteur. Au moins, éloignez l'enfant, éloignez Darling, voyons. C'est fait, docteur, dit Miss Eden. Darling est gardée par ses grands-parents, là-haut, elle ne craint rien. Bon, quant à vous, prenez les précautions nécessaires, je vous en conjure. Si vous tenez, malgré mes avis, à vous dévouer pour cette pauvre femme. Oui. Je vous assure que votre présence est inutile et que seul je suffirais bien. Un bruit léger venant du couloir interrompit le docteur. Paulin Broquet se précipita à la porte. Il regarda le corridor, mais n'aperçut rien. Doucement, pris de soupçons, il alla jusqu'à la porte de la chambre de Madame Garitsa. La porte était, comme on l'avait laissée, seulement poussée. Paulin Broquet l'écarta un peu. Il regarda dans la chambre. Madame Garitsa était dans son lit, dans la même position que tout à l'heure. Le détective alors ferma la porte et revint dans le cabinet de travail. « Elle dort, » fit-il à Miss Eden, au docteur qui le questionnait des yeux. « C'est sans doute la porte de sa chambre qu'un courant d'air a fait battre. » Une partie de la nuit se passa ainsi à attendre, à écouter. « C'est déjà la veillée funèbre, » pensait-on. À diverses reprises, on vint écouter à la porte de la malade, on regarda même dans sa chambre. Madame Garitsa dormait toujours. À la fin, rassurée, Miss Eden, Paulin Broquet et le docteur Montreuil, qui tenaient à passer la nuit à la villa, gagnèrent leur chambre. Bientôt, tout fut plongé dans le sommeil. Cette maison du silence fut entourée du seul murmure de la brise dans les feuilles. Mais, dans cette maison où régnait le sommeil, un seul hôte à présent ne dormait plus ou même n'avait jamais dormi, Madame Garitsa. Comme tout à l'heure, Madame Garitsa, quand elle n'entendit plus rien, se leva doucement. Aussi promptement que le lui permettaient ses doigts sans force, ses mains déjà mortes, elle s'habilla et quitta la chambre, s'engageant sur un chemin de calvaire, souffrant à chaque pas, chaque fois que son corps portait sur un de ses pieds, mort déjà comme ses mains. « Ma présence ici, dit-elle, est un danger pour ceux qui m'ont recueilli. Je veux m'en aller. Je veux aller mourir au loin, loin d'eux, là où ma mort ne sera pour personne un danger. » Avec une peine énorme, un courage surhumain, une volonté sans frein, trébuchant, tombant parfois, marchant alors sur les genoux, puisque ses pieds refusaient tout service, elle arriva ainsi jusqu'à la porte du couloir d'entrée. Comment parvint-elle à l'ouvrir, à tourner les clés, à faire jouer la porte, ce fut inexplicable. La voici dehors, elle descend les marches du perron. « La Seine, se dit-elle, la Seine est par là, j'y atteindrai. La Seine, la mort tout de suite, le grand sommeil. » Alors elle se tourna vers la villa endormie. Elle approcha ses pauvres mains de sa bouche maintenant déformée et elle envoya aux croisées des chambres où l'on dormait de longs baisers. « Merci, » fit-elle, « adieu. » Elle descendit les degrés du perron et voulut marcher vers le parc. Ses jambes encore lui refusèrent tout service. Elle se mit à genoux pour avancer quand même, mais ses forces définitivement la trahirent. Elle s'écroula à terre. « Mon Dieu, » fit-elle, « ayez pitié d'eux. » Et elle s'évanouit. Au moment où elle tombait à genoux pour marcher quand même, s'éloigner malgré tout, Paulin Broquet apparut sur le haut du perron qu'elle venait de quitter. D'un bond, il fut auprès d'elle, et comme elle s'écroulait à terre, il se penchait sur elle, la relevait et l'emportait dans ses bras. Il avait entendu ses dernières paroles, il avait compris l'acte de grand cœur, de reconnaissance de cette malheureuse. Madame Garitsa ne pouvait espérer sortir de la maison sans donner l'éveil. Trop de dangers entouraient Paulin Broquet et Miss Eden, trop de haine, pour que des précautions exceptionnelles ne fussent prises afin de mettre la villa à l'abri de toute surprise. Dans Dans la chambre de Paulin Broquet se trouvait un tableau d'appel électrique qui lui désignait, dès qu'on touchait à une porte, à une croisée, quelle était cette porte, cette croisée. Donc, quand Madame Garitza ouvrit la porte du perron, le tableau d'appel révéla sa tentative à Paulin Broquet. Le détective ne pouvait se douter de la personne qui s'attaquait à la porte d'entrée de la villa. Il pouvait tout supposer, croire à une tentative nouvelle, imprudente cependant, de son ennemi, au désir du maître de voir si sa condamnation avait le terrible résultat qu'il espérait. Paulin Broquet s'habilla donc en hâte, s'arma d'un revolver et descendit. Miss Eden revêtit également un seau de lit, s'arma d'une carabine et alla se placer à une des croisées donnant au-dessus du perron, prête à seconder son mari. Elle, de sa croisée, elle vit avant Paulin Broquet quelle main avait ouvert la porte. Elle put ainsi saisir le baiser d'adieu de la malheureuse. Et maintenant elle accourait pour seconder son mari dans les soins qu'il fallait donner à Madame Garitza. Le docteur Montreuil, prévenu, arriva bientôt au chevet de la malade. « Son plus grand bonheur, à présent, dit Miss Eden, serait de ne plus se réveiller. »« Oui, fit le docteur Montreuil douloureusement. Ma compassion d'homme souhaite la mort de cette patiente, et mon devoir de médecin m'oblige à tout tenter encore pour la sauver, alors que je sais bien que c'est inutile et qu'il vaudrait mieux la laisser dormir à jamais. » Quand elle ouvrit les yeux, quand elle reprit connaissance, Madame Garitza éprouva la plus grande, la plus douloureuse surprise qui fut possible. « Vous ? S'écria-t-elle, « vous tous autour de moi ? Oh, malheureux, éloignez-vous, écartez-vous. Vous savez bien qu'ici vous risquez la mort la plus épouvantable qui soit au monde. » On eut du mal à la calmer, à lui faire entendre raison. Miss Eden surtout s'y employa avec une douceur, une habileté, une patience que son grand cœur pouvait seul inspirer. Le jour vint. Les souffrances de Madame Garitza maintenant étaient atroces. « C'est du feu, disait-elle, du feu que j'ai partout le corps. Mes mains sont comme plongées dans du plomb fondu. On m'arrache les pieds, on me broie les os, c'est épouvantable. » Le docteur Montreuil essaya des piqûres calmantes, mais la circulation ne se faisait plus. Tout à présent était sans effet sur ce pauvre corps dont la décomposition commençait. Les injections de sérum, celles pratiquées avec son sérum, celles faites avec le sérum du docteur Yeritsu, étaient restées sous la peau, formaient des cloques et n'avaient pas été absorbées. Madame Garitza, la jolie Madame Garitza, si élégante, si blonde, si jolie, n'était déjà plus que le cadavre décomposé, hideux, de celle qui fut la blonde et jolie Madame Garitza. Et cependant, l'intelligence était intacte. Le cerveau comprenait, saisissait comme auparavant, et les yeux, les grands yeux bleus, si caressants, les yeux avec horreur, voyaient le corps mourir. Dans la matinée, un télégramme arriva. « Courage, mon cœur est avec vous, j'arrive. » C'était un télégramme du colonel de Fongrive. La veille, Paulin Broquet avait expédié l'amorce auprès du colonel, avec la mission délicate de le préparer au grand malheur qui allait le frapper. L'amorce, en disant au colonel qu'on le réclamait à la villa, ne lui avait pas tout de suite dit la vérité effroyable. Il lui avait seulement annoncé que Madame Garitza, malgré toute la vigilance de Paulin Broquet, avait été, par surprise, frappée, blessée assez grièvement par le maître. Le colonel revenait donc, ayant lancé ce télégramme. On montra ce télégramme à la mourante, voulant lui donner la suprême joie, lui faire connaître qu'elle allait revoir le bien-aimé. Mais à peine eut-elle lu le bleu, que la malheureuse femme s'écria désespérément « Non, non, qu'il ne vienne pas. Il ne faut pas qu'il me voie comme ça. C'est trop épouvantable. Non, non. » « Il l'a bien dit, mon assassin, mon bourreau, il l'a bien dit. Vous serez un tel objet de répulsion, d'horreur, que même le colonel de Fongrive, qui vous adore, à moins d'être un héros plus grand que la nature humaine, n'aura pas le courage de s'approcher de votre corps en pourriture. Non, qu'il ne me voie pas. Je ne veux pas lui faire horreur. » Cet effort l'épuisa. Elle retomba sur son oreiller, accablée. « Le coma, » dit le docteur Montreuil. « Le colonel ne la verra pas vivante. Elle va se réveiller, mais pour mourir aussitôt. » Pendant que la malheureuse reposait ainsi, le mal continuait ses rapides et effroyables ravages. Maintenant, la peau de la figure se fendait, s'ouvrait. Les lèvres bleues se déformaient suivant la marche de la mâchoire désorganisée. On pouvait presque suivre des yeux les progrès du mal et voir le corps se piquer, petit à petit, incessamment, se détruire. C'était un spectacle effroyable, terrible. « Il semble, dit le docteur Montreuil, que nous vivons en une heure l'année que met un corps à se détruire, C'est un cauchemar sans précédent, c'est une vision infernale. » Comme Madame Garitsa commençait à remuer un peu, comme elle luttait pour sortir de sa torpeur, se dégager du coma, dans le couloir précédant la chambre, un bruit de pas, cependant atténué par les tapis de chuchotement, des voix qu'on étouffait s'entendir. « Le colonel !» fit Messiden. Paulin Broquet se porta au-devant de lui pour le préparer au terrible spectacle qui l'attendait dans cette chambre, si malgré tout il voulait revoir la femme aimée. Déjà l'amorce, petit à petit, lui avait révélé presque toute l'affreuse vérité. Le colonel était affolé, navré. « Ah » disait-il, « je veux la voir. Oh, la voir telle qu'elle est. Sa beauté est si fortement gravée en moi qu'elle dominera toute image de laideur. Et dans ce malheur qui la frappe, qui me frappe moi-même, je trouverai encore assez d'elle pour que ce soit elle que je puisse revoir. » Ce savant, ce soldat, pleurait comme un enfant. Les larmes d'amour qui tombent sur les moustaches grises sont les plus cruelles. C'était vraiment un spectacle poignant que la douleur sincère, profonde, de cet homme. Cependant, il eut ce courage, cette énergie d'éponger ses yeux, de relever sa moustache, de donner à sa figure ravagée par la douleur son air le plus calme, le plus confiant, pour cacher à la mourante son angoisse. Et alors que les larmes lui étreignaient la gorge, il eut la volonté de mettre un sourire sur ses lèvres. C'était crâne, c'était bien. À ce moment, Madame Garitsa s'était peu à peu réveillée. Elle aperçut le colonel, et ses yeux, ses grands yeux bleus, le regardèrent avec une joie sans limite, mais avec en même temps un regret et une douleur atroce. Elle ne trouva pas un mot à dire. Mais, dans un mouvement de suprême coquetterie, pour masquer à celui qu'elle aimait son effroyable laideur, pour lui enlever ce spectacle d'épouvante, elle saisit ses longs cheveux et se cacha la figure dessous comme sous un voile d'or. Puis, quand le colonel, les mains tendues vers elle, avança, elle s'enfonça dans les oreillers. « Oh, n'approchez pas !» dit-elle. « On ne vous a donc pas dit que me toucher, c'était chercher la mort ?» Mais le colonel s'avança encore. Il se pencha sur le lit. Dans ses mains, il prit cette tête qui se refusait, qui se cachait sous les cheveux d'or, et il la tira à lui doucement, comme on fait en tenant un objet précieux, fragile, sacré. Et il regarda tendrement les yeux bleus, tout grands ouverts, où seulement se lisait la vie, les yeux qui le regardaient avidement, le dévoraient, les yeux bleus qu'il aimait. « Courage, ami, dit-il, Dieu aura pitié de nous, espérer. » Plus encore, il se pencha, et il attira lui, plus encore, la tête de la mourante. Puis, sur les lèvres que le mal épouvantable avait horriblement mutilées, il posa ses lèvres et donna son premier, le suprême baiser. « Je t'aime, » lui dit-il. Ainsi il donna à cette femme, la plus belle, la plus grande, la plus généreuse preuve d'amour que jamais femme aimée ait pu connaître. Alors les yeux bleus qui le regardaient avec tant de tendresse eurent un éclair de bonheur, et les paupières bleutées s'abaissèrent. Les yeux aimants s'étaient éteints sous cette vision d'amour, l'âme sous ce baiser venait de s'envoler. Madame Garitsa, la blonde Madame Garitsa, avait fini son martyre, et elle était morte heureuse. Alors le colonel de Fongrive, qui fut plus grand en ce moment, comme en doutait le maître implacable, plus grand que le héros le plus sublime, reposa doucement la tête de sa bien-aimée. Il tomba à genoux devant le lit, et alors il put laisser son cœur se donner à toute sa douleur.